Chapitre 24. L'intendance. Ophélie fixait la silhouette pâle et plate de Mime qui lui faisait face dans la glace murale. À l'intérieur de la salle d'attente, il ne restait plus qu'elle et un aristocrate qui tripotait son haut de forme en jetant de temps à autre un regard impatient sur la porte en verre brouillée du secrétariat. Ophélie l'observait sans en avoir l'air, par miroir interposé. Comme beaucoup de mirages, c'était un homme bien portant, presque à l'étroit dans son veston, chaque paupière ponctuée de tatouages. Depuis son arrivée, il consultait continuellement la pendule de cheminée. 9h20, 10h40, 11h55, minuit et quart. Ophélie réprima un soupir. Lui, au moins, n'attendait pas depuis le matin. Après s'être perdue dans un nombre incalculable d'ascenseurs, elle était restée debout, ici, toute la journée. Elle se sentait si fatiguée qu'elle commençait à voir trouble malgré ses lunettes. Les consultants étaient reçus selon l'ordre de préséance et les valets arrivaient en dernier sur la liste. Ophélie évitait de regarder les nombreux fauteuils vides ainsi que la desserte où du café et des petits fours avaient été servis. Elle n'avait droit à rien de tout cela. Elle se serait bien contentée de déposer le sceau au secrétariat, mais elle savait qu'elle ne le pouvait pas. Si Bérénilde avait été tellement contrariée, c'était parce que Thorne l'avait délibérément oublié, et s'il l'avait délibérément oublié, c'était parce qu'il avait voulu provoquer une rencontre. La porte vitrée s'ouvrit enfin. Un homme sortit, donnant poliment un coup de chapeau à son confrère, resté dans la salle d'attente. « Au revoir, monsieur le vice-président, » dit le secrétaire. « Monsieur le conseiller, si vous voulez bien me suivre. » Le mirage passa dans le secrétariat avec un grognement mécontent et Ophélie se retrouva seule. N'y tenant plus, elle attrapa une tasse de café, y plongea un petit four et s'assit sur le premier fauteuil venu. Le café était froid et déglutir lui faisait mal, mais elle avait l'estomac dans les talons. Ophélie engloutit tous les petits fours de la desserte, se moucha deux fois et tomba aussitôt endormie. Elle dut se remettre précipitamment debout lorsque la porte s'ouvrit, une heure plus tard. Le conseiller Mirage s'en fut, encore plus mécontent qu'il n'était entré. Le secrétaire referma la porte vitrée, sans un regard pour Ophélie. Dans le doute, elle attendit un peu, puis frappa quelques coups pour se rappeler à son souvenir. « Qu'est-ce que tu veux ?» lui demanda-t-il par l'entrebâillement de la porte. Ophélie lui fit signe qu'elle ne pouvait pas parler et lui désigna l'intérieur du secrétariat. Elle voulait entrer comme les autres, n'était-ce pas évident ? « Monsieur l'intendant doit prendre du repos, je ne vais pas le déranger pour un valet. Si tu as un message, remets-le-moi. » Ophélie resta incrédule. Elle prenait racine ici depuis des heures et on ne lui accordait même pas la faveur d'une audience. Elle secoua la tête de Mime et pointa obstinément la porte que le secrétaire bloquait du pied. « Es-tu sourd en plus d'être muet ? Tant pis pour toi. » Il claqua la porte au nez d'Ophélie. Elle aurait pu laisser le sceau dans la salle d'attente et s'en retourner bredouille, mais elle n'en fit rien. Elle commençait à se sentir de mauvaise humeur. Thorne avait voulu l'attirer jusqu'ici. Il allait devoir en assumer les conséquences. Elle tambourina à la vitre jusqu'à ce que l'ombre emperruquée du secrétaire réapparût derrière le verre brouillé. « Des campes où j'appelle les gendarmes ?»« Eh bien, que vous arrive-t-il » Ophélie reconnut l'accent dur de Thorne. « Oh, monsieur est descendu !» et bredouilla le secrétaire. « Que monsieur ne se dérange pas, ce n'est qu'un petit malotru dont je m'en vais botter le train !» Derrière la vitre, l'ombre du secrétaire fut écartée par la silhouette haute et maigre de Thorne. Quand il ouvrit la porte et abaissa sur Ophélie son nez tranchant, elle redouta un instant qu'il ne la reconnut pas. Elle hissa le menton pour bien répondre à son regard. « Insolent !» se récria le secrétaire. « C'en est trop, j'appelle les gendarmes !» « C'est le coursier de ma tante !» grinça Thorne entre ses dents. Le secrétaire se décomposa, puis se recomposa une attitude mortifiée. « Monsieur me voit absolument confus, c'est une regrettable méprise !» Ophélie tressaillit. Thorne avait posé une grande main glaciale sur sa nuque pour la pousser à l'intérieur d'un ascenseur au fond du secrétariat. « Éteignez les lumières superflues, je ne recevrai plus personne pour aujourd'hui. »« Oui, monsieur !» « Mes rendez-vous de demain ?» Le secrétaire chaussa une épaisse paire de besicles et feuilleta un calepin. J'ai dû les annuler, monsieur. Monsieur le vice-président m'a remis en partant une convocation pour le Conseil des ministres, à 5 heures ce matin. Avez-vous reçu l'inventaire des celliers et caves par le maître Queux? Non, monsieur. J'ai besoin de ce rapport pour le Conseil. Procurez-vous-le. Les celliers, monsieur? Ce ne devait pas être la porte à côté, car la perspective de s'y rendre n'enthousiasmait pas le secrétaire. Il s'inclina néanmoins. Certainement, monsieur. Au revoir, monsieur. Sur une série interminable de courbettes et de monsieur, le secrétaire obséquieux se retira. Thorne déplia la grille de l'ascenseur. Ophélie était enfin seule avec lui. Ils n'échangèrent pourtant ni un mot ni un regard, tandis que l'ascenseur prenait lentement de l'altitude. L'intendance avait été aménagée dans l'une des nombreuses tourelles de la cité à ciel. L'écart de palier qui séparait le secrétariat du cabinet de Thorne parut interminable à Ophélie, tellement le silence se faisait pesant dans la cabine. Elle eut beau se moucher, éternuer, tousser, contempler ses souliers, Thorne n'articula pas une seule phrase pour la mettre à l'aise. L'ascenseur s'arrêta devant un immense couloir avec autant de portes qu'un piano compte de touches à son clavier. Probablement une rose des vents. Thorne poussa une porte à double battant au bout du couloir. D'après l'adage, c'est la fonction qui fait l'homme et non l'homme qui fait la fonction. Quand Ophélie découvrit l'intendance, elle se demanda si ce n'était pas particulièrement vrai dans le cas de Thorne. L'étude était une salle austère et froide, qui ne s'autorisait pas la moindre excentricité. Le mobilier de travail se résumait à un grand bureau, quelques sièges et des secrétaires de classement aux quatre coins de la pièce. Pas de tapis sur le parquet, pas de tableau sur le lambris, pas de bimbeloterie sur les étagères. De toutes les lampes à gaz, seule celle du bureau était allumée. L'atmosphère sombre du bois n'était égayée par aucune couleur, hormis celle des reliures le long des rayonnages. Bouliers, mappemondes et graphiques faisaient office de décoration. L'unique note fantaisiste, en somme, était un canapé usé jusqu'à la corde, installé sous un œil de bœuf. « Vous pouvez vous exprimer ici sans crainte, » dit Thorne après avoir verrouillé les portes derrière lui. Il se débarrassa de son uniforme à épaulettes. Il était désormais en simple veston, boutonné sur une chemise à la blancheur irréprochable. Comment faisait-il pour ne pas avoir froid? Malgré le radiateur de fonte, la température de l'étude était glaciale. Ophélie pointa du doigt l'œil de bœuf. « Sur quoi donne cette fenêtre ?» Elle porta la main à son cou. Sa voix était rouillée comme une vieille grille. Entre le mal de gorge et le mutisme de mime, ses cordes vocales avaient souffert. En l'entendant, Thorne avait arqué son sourcil balafré. Ce fut le seul mouvement qui anima sa longue figure rigide. Peut-être était-ce le fruit de son imagination, mais Ophélie le trouvait encore plus raide que d'habitude. « Le dehors ?» répondit-il enfin. « Le véritable dehors ?»« En personne. » Ophélie ne put résister à la tentation. Elle se percha sur le canapé comme une petite fille pour coller son nez au hublot. Malgré le double vitrage, le verre était aussi froid que de la glace. Ophélie regarda en contrebas et aperçut l'ombre des remparts, des arcades et des tours. C'était vertigineux. Il y avait même une aire de dirigeable. Elle essuya du gant la buée qu'elle avait déposée. Alors qu'elle saisissait un morceau de nuit à travers les dentelles de givre et les stalactites, elle retint sa respiration. D'étranges tourbillons laissaient des traînées de couleurs au milieu des étoiles. C'était cela, une aurore boréale? Depuis quand n'ai-je pas vu le ciel? Se demanda-t-elle fascinée. Elle avait la gorge tout à l'étroit soudain, et ce n'était pas seulement parce qu'elle était malade. Elle pensa à toutes les nuits étoilées qu'elle n'avait jamais pris le temps de contempler dans sa petite vallée. Ophélie en aurait oublié Thorne dans son dos si la sonnerie criarde d'un téléphone ne l'avait arrachée à sa contemplation. Il échangea un bref coup d'œil avec elle pour l'inciter à la discrétion, puis décrocha. « Oui, avancez, 4 heures, j'y serai. » Il reposa le cornet acoustique sur la barre du téléphone et revint à Ophélie. Elle attendit ses explications, mais Thorne se tenait appuyé sur son bureau, bras croisés, comme si c'était lui qui était dans l'expectative. Elle fouilla alors les poches de son uniforme, posa le seau sur le bureau et gratta sa gorge pour s'éclaircir la voix. « Votre initiative n'a pas enchanté votre tante. et pour être tout à fait franche, je ne l'ai pas tellement apprécié non plus. » ajouta-t-elle avec une pensée pour la salle d'attente. « N'aurait-il pas été plus simple de téléphoner au clair de lune ?» Le grand nez de Thorne émit un reniflement agacé. « Les lignes de la citatielle ne sont pas sûres. Et puis, ce n'est pas à ma tante que je voulais parler. » « Dans ce cas, je vous écoute. » Ophélie s'était exprimée d'un ton plus sec qu'elle ne l'aurait voulu. Thorne avait sans doute une bonne raison pour avoir provoqué ce rendez-vous, mais elle ne se sentait pas dans son assiette. S'il tournait trop longtemps autour du pot, il allait en faire les frais. « Ce déguisement me met mal à l'aise, » déclara Thorne en consultant sa montre. « Ôtez-le, je vous prie. » Ophélie pétrit nerveusement le bouton de son col. « Je ne porte qu'une chemise sous ma livrée. » Elle se sentit aussitôt honteuse d'avoir dévoilé sa pudeur. C'était exactement le genre de conversation qu'elle ne voulait pas avoir avec Thorne. De toute façon, il n'était pas homme à s'émouvoir pour ces choses-là. Comme de juste, il claqua impatiemment le couvercle de sa montre et lui désigna des yeux une penderie derrière le bureau. « Prenez un manteau. » « Faites ci, faites ça. » Par certains côtés, Thorne était le digne neveu de sa tante. Ophélie contourna le bureau en bois massif pour ouvrir le panneau de la penderie. Il n'y avait là que des affaires de Thorne, excessivement austères et démesurément grandes. Faute de mieux, elle décrocha un long manteau noir de son cintre. Elle s'assura d'un coup d'œil bref que Thorne ne la regardait pas, mais il lui tournait ostensiblement le dos. Courtoisie, ironie, indifférence. Ophélie déboutonna sa livrée et enfila le manteau. Elle sourcilla quand elle vit son reflet dans une glace à l'envers du panneau. Elle était si petite et le manteau si grand qu'elle ressemblait à une enfant dans un habit d'adulte. Des lèvres gercées, un nez irrité, elle avait vraiment une mine épouvantable. Ses boucles sombres mal contenues par le chignon lui roulaient sur les joues et renforçaient la pâleur de sa peau. Ses lunettes grises ne dissimulaient même pas les cernes qui lui ombraient les yeux. Ophélie faisait tellement pitié qu'elle jugea son excès de pudeur encore plus ridicule. Trop fatiguée pour tenir debout, elle s'assit dans le fauteuil de bureau. Il était fait sur mesure pour Thorne. Ses pieds à elle ne touchaient plus le sol. « Je vous écoute, » répéta-t-elle alors. Appuyé de l'autre côté du grand bureau, Thorne tira un petit papier de sa poche de veston et le fit glisser sur l'écritoire jusqu'à Ophélie. « Lisez. » Interloquée, Ophélie retroussa les manches trop longues du manteau et saisit le rectangle de papier. Un télégramme. « Monsieur Thorne, intendance citatielle, Paul. Sans nouvelles de toi depuis ton départ, tu pourrais répondre aux lettres de maman, fâchée par ton silence et ton ingratitude. » Comptons sur Roselyne pour nous écrire. Agathe. Ophélie relut plusieurs fois le message, suffoquée. C'est assez contrariant, dit Thorne d'une voix plate. Vos doyennes ont commis un impair en révélant cette adresse-ci à votre famille. Je ne dois surtout pas être contacté à l'intendance, et encore moins par télégramme. Ophélie leva le menton pour le regarder droit dans les yeux, depuis l'autre côté du bureau. Cette fois, elle était bel et bien en colère contre lui. Thorne avait la responsabilité de son courrier. Par sa faute, elle s'était sentie oubliée de ses parents, tandis qu'eux se rongeaient les sangs. « Quelles sont ces lettres dont parle ma sœur ? » l'accusa-t-elle. « Vous ne m'avez jamais rien remis. Avez-vous seulement envoyé celles que nous vous avions confiées ?» Elle devait vraiment avoir l'air fâchée, car Thorne perdit contenance. « Ce n'est pas moi qui ai malencontreusement égaré toutes ces lettres, » maugréa-t-il. « Alors, qui s'amuse à intercepter notre courrier ?» Thorne souleva et referma le couvercle de sa montre. Ophélie commençait à le trouver agaçant à toujours surveiller l'heure ainsi. « Je l'ignore, mais cette personne est douée. Le contrôle des voies postales compte parmi les attributions de ma fonction. Sans ce télégramme, je n'aurais jamais été alerté par ces disparitions. » Ophélie ramena derrière son oreille une mèche qui lui roulait sur le nez. « Me donnez-vous la permission de le lire ?» La formule pouvait prêter à confusion, mais Thorne comprit immédiatement où elle voulait en venir. « Je n'en suis pas le propriétaire, vous n'avez pas à me demander la permission. » Dans l'ombre de ses lunettes, Ophélie haussa les sourcils. Comment savait-il cela? Ah oui, la tante Roseline et elle en avaient parlé dans le dirigeable à la table du capitaine Ansgon. Sous ses dehors hautains, Thorne était finalement plutôt attentif. « Vous l'avez touché en dernier, » expliqua-t-elle. « Je ne peux pas faire autrement que vous lire au passage. » L'idée ne parut pas plaire à Thorne. Son pouce ouvrait, fermait, rouvrait, refermait le couvercle de sa montre à gousset. « Le cachet du télégramme est authentique, » dit-il. « Je doute que ce soit un faux, si c'est ce qui vous inquiète. » Les yeux de Thorne, pareils à deux éclats de métal, brillaient étrangement à la lumière de la lampe de bureau. Chaque fois qu'il se posait sur Ophélie, comme en cet instant, elle avait l'impression qu'ils essayaient de la percer jusqu'à l'âme. « À moins, évidemment, que ce ne soit ma parole que vous remettiez en cause, » acheva-t-il avec son accent dur. « Ne chercheriez-vous pas plutôt à me lire, moi ?» Ophélie secoua la tête. « Vous me surestimez. Liseur, ne pénètre pas la psychologie profonde des gens. Ce que je peux capter, c'est un état d'esprit passager. Ce que vous avez vu, entendu, ressenti au moment de manipuler l'objet. Mais je vous assure que ça reste superficiel. » Argumenter n'avait jamais été le fort d'Ophélie. Le couvercle de la montre de Thorne n'arrêtait plus de faire tac, tac, tac, tac, tac. Tac. Quelqu'un joue avec ma correspondance, soupira-t-elle. Je ne veux plus courir le risque de me faire manipuler. À son grand soulagement, Thorne rangea enfin sa montre dans sa poche de veston. Vous avez ma permission. Comme Ophélie déboutonnait son gant de protection, il l'observa avec cette curiosité lointaine qui le caractérisait. Vous pouvez lire. « Absolument tout ?»« Pas tout, non. Je ne peux lire ni la matière organique, ni la matière première. Les gens, les animaux, les plantes, les minéraux à l'état brut sont hors de ma portée. » Ophélie regarda Thorne par-dessus la monture de ses lunettes, mais il ne posa pas d'autres questions. Lorsqu'elle saisit le télégramme de sa main nue, elle fut aussitôt traversée par un bouillonnement cérébral qui lui coupa le souffle. Comme elle s'y attendait, Thorne était un faux calme. Au dehors, c'était une plaque de marbre. Au dedans, une pensée en entraînait aussitôt une autre, à une telle cadence qu'Ophélie fut incapable d'en intercepter une seule. Thorne réfléchissait beaucoup et réfléchissait très vite. Elle n'avait jamais rien lu de tel chez personne. Remontant le temps, elle perçut bientôt l'étonnement qu'il avait saisi en prenant connaissance du télégramme. Il n'avait pas menti. Il n'était au courant de rien pour les lettres volées. Ophélie s'enfonça plus loin dans le passé. Le télégramme alla de Thorne à un inconnu et d'un inconnu à un autre inconnu. C'étaient tous des agents du service postal plongés dans les petits tracas du quotidien. Ils avaient froid, ils avaient mal aux pieds, ils avaient envie d'un meilleur salaire, mais aucun d'eux ne manifesta la moindre curiosité pour le message destiné à l'intendance. Ophélie ne put remonter au-delà des mains du stationnaire qui retranscrivit en toutes lettres les signaux sonores d'un poste récepteur. « Où se trouve la station télégraphique ? » demanda-t-elle. « À la Citaciel, près des hangars au dirigeable. » Thorne avait mis cette lecture à profit pour ranger ses petits papiers, assis à l'autre bout du bureau qu'il réservait habituellement aux consultants. Il classait, tamponnait, archivait des factures. Et d'où reçoit-elle les signaux ? Quand il s'agit du télégramme d'une autre arche comme celui-ci, elle les reçoit directement du vent du nord, dit-il, sans lever les yeux de son tri. C'est une arche mineure interfamiliale, dédiée aux correspondances aériennes et aux services postaux. Comme chaque fois qu'Ophélie lui posait des questions, Thorne répondait du bout des lèvres, à croire qu'il se faisait violence pour rester patient. « Me juge-t-il trop lente d'esprit ? » songea-t-elle sérieusement. Le fait est qu'elle ne pouvait rivaliser avec la mécanique effrénée de son cerveau. « Je pense comme vous que ce télégramme est authentique, » déclara Ophélie en reboutonnant son gant. « Et je crois aussi que vous êtes de bonne foi. Excusez-moi d'avoir douté de vous. » Pour la peine, Thorne lâcha ses factures des yeux. Il ne devait pas être habitué à ces politesses, car il ne trouva rien à répondre et se tint raide comme un épouvantail. Peut-être parce que c'était la fin de journée, mais ses cheveux pâles qu'il peignait toujours vers l'arrière lui retombaient maintenant sur le front et plongeaient dans l'ombre la balafre de son sourcil. « Cela ne résout pas l'énigme des lettres disparues, » ajouta Ophélie, gênée par ce silence. « Ma présence au pôle n'est plus tellement un secret. Que suggérez-vous ? » ?»« Nous ignorons tout de l'intercepteur et de ses motivations, » finit par articuler Thorne. « Nous ne changerons donc rien à notre stratégie. Vous jouerez les valets muets au clair de lune, tandis qu'une domestique simulera votre présence au manoir de ma tante. » Sur ces mots, il dévissa le verre de la lampe, mettant à nu la flamme bleutée, puis brûla le télégramme, sans autre forme de procès. Ophélie retira ses lunettes pour se masser les paupières. Sa lecture avait amplifié son mal de tête. Même si elle n'avait fait qu'en effleurer la surface, les pensées accélérées de Thorne lui avaient donné le tournis. Vivait-il cela en permanence ? « Cette mascarade devient absurde !» chuchota-t-elle. « De toute façon, que nous importe que je sois découverte après notre union plutôt qu'avant ? Être mariée ne me rendra pas moins vulnérable aux extravagances familiales, aux vengeances de bas étage et autres manigances ?» Ophélie toussa pour s'éclaircir la voix. Elle était de plus en plus enrouée. À ce rythme, elle finirait à faune pour de bon. « Je pense que nous devrions cesser de couper les cheveux en quatre et moi de me cacher, » conclut-elle. « Advienne que pourra !» Elle remit ses lunettes d'un geste déterminé. Ce mouvement de coude bousculait un encrier qui déversa son contenu sur le beau bois laqué du bureau. Thorne se leva et sauva précipitamment ses factures de la marée noire, tandis qu'Ophélie fouillait les poches de sa livrée, pliée sur le fauteuil, pour en sortir tous ses mouchoirs. « Je suis désolée, » dit-elle en épongeant les dégâts. Elle s'aperçut ensuite qu'elle avait barbouillé d'encre le manteau de Thorne. « Je l'apporterai à la teinturerie, » promit-elle, encore plus confuse. Facture en main, Thorne la considéra sans mot dire. Quand Ophélie croisa ses yeux tout au sommet du grand corps maigre, elle s'étonna de ne pas y trouver trace de colère. Thorne paraissait surtout déconcerté. Il finit par se dérober à son regard, à croire qu'il était plus en faute qu'Ophélie. « Vous faites erreur, » marmonna-t-il en rangeant ses papiers dans un tiroir. « Lorsque je vous aurai épousée, si tout se déroule comme je l'espère, notre situation sera devenue très différente. Pourquoi ?» Thorne lui remit une liasse de buvard. « Vous vivez chez Archibald depuis quelque temps. Peut-être connaissez-vous mieux maintenant les particularités de sa famille ?»« Certaines, oui. » Ophélie disposa les buvards partout où l'encre continuait de s'étendre sur le bureau. « Dois-je apprendre autre chose à leur sujet ?»« Avez-vous entendu parler de la cérémonie du don ?»« Non. » Thorne eut l'air excédé. Il aurait préféré un oui. Il se mit cette fois à éplucher les registres placés dans un secrétaire comme s'il cherchait coûte que coûte à s'occuper les yeux. « Un membre de la toile est présent à chaque mariage, » expliqua-t-il de sa voix d'éternel maussade. « Pas d'imposition des mains. Ils tissent entre les époux un lien qui permet de les jumeler. »« Qu'essayez-vous de me dire ?» balbutia Ophélie qui avait cessé d'éponger le bureau. Thorne parut de nouveau impatienté. « Que bientôt, vous aurez pris de moi et j'aurai pris de vous. » Ophélie frissonna de tout son corps sous le grand manteau noir. « Je ne suis pas sûre de bien comprendre, » souffla-t-elle. « Je vous ferai don de mon animisme et vous, de vos coups de griffe. » Voûté sur son secrétaire, le nez plongé dans un registre comptable, Thorne maugréa une réponse qui tenait du raclement de gorge. « Ce mariage aura au moins l'avantage de vous rendre plus forte, non ? Vous devriez vous estimer contente. » Pour Ophélie, ce fut le sarcasme de trop. Elle jeta tous les buvards sur le bureau, s'approcha du secrétaire et posa son gant taché sur la page que Thorne était occupé à lire. Alors qu'il abaissait sur elle ses yeux en lame de rasoir, elle le défia des lunettes. « Quand aviez-vous l'intention de m'en parler ? » en temps et en heure, grommela-t-il. Thorn était mal à l'aise, ce qui ne fit que mettre Ophélie de plus mauvaise humeur encore. Il ne se comportait pas comme d'habitude et ça la rendait nerveuse. « Avez-vous si peu confiance en moi pour me faire toutes ces dissimulations ?» poursuivit-elle sur sa lancée. « Je crois pourtant avoir fait preuve de bonne volonté jusqu'à présent. » Ophélie se sentait pitoyable avec sa voix toute rouillée, mais ses reproches prenaient Thorn au dépourvu. Tous ses traits sévères s'étaient relâchés sous le coup de la surprise. « Je suis conscient des efforts que vous fournissez. »« Mais ce n'est pas suffisant, » murmura-t-elle. « Et vous avez raison. Gardez-le, votre coupe-gorge. Je suis beaucoup trop maladroite pour que l'on songe à me confier des griffes de dragon. » Secouée par une quinte de toux, Ophélie retira sa main du registre. Thorn contempla longuement l'empreinte d'encre que le petit gant avait laissée, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Je vous apprendrai, » déclara-t-il abruptement. Il parut aussi embarrassé en prononçant ces trois mots qu'Ophélie le fut en les entendant. « Non, » songea-t-elle, « pas ça, il n'a pas le droit. Ce serait bien la première fois que vous vous donneriez cette peine, » reprocha-t-elle en détournant les yeux. De plus en plus décontenancé, Thorn ouvrit la bouche, mais la sonnerie du téléphone le coupa en plein élan. « Quoi ? » gronda-t-il en décrochant. « 3 heures, entendu, c'est ça, bonne nuit !» Alors qu'il reposait le combiné, Ophélie passa un dernier coup de mouchoir, parfaitement inutile, sur l'énorme tache d'encre qui s'était imprimée sur le bureau. « Il vaut mieux que je rentre. Est-ce que je peux emprunter votre penderie, s'il vous plaît ?» La livrée de mime posée sur son bras, elle désignait la glace du panneau resté ouvert. Elle devait partir avant qu'il ne fût trop tard. Au fond d'elle-même, elle savait qu'il était déjà trop tard. Alors qu'elle se penchait vers le miroir, Ophélie vit la haute silhouette de Thorn approcher d'une démarche guindée. Sa figure s'était emplie d'ombre et d'orage. Il n'avait pas apprécié la tournure qu'avait prise leur conversation. « Reviendrez-vous ? » fit-il d'un ton rude. « Pourquoi ?» Elle n'avait pas pu s'empêcher d'être sur la défensive. Dans la glace, elle vit le reflet de Thorn froncer les sourcils jusqu'à en déformer sa cicatrice. « Grâce à votre aptitude à passer les miroirs, vous pourriez me rendre compte de la situation au clair de lune. » « Et puis, » ajouta-t-il plus bas, en se prenant d'un intérêt soudain pour ses souliers, « je crois que je suis en train de m'habituer à vous. » Il avait articulé cette dernière phrase avec l'intonation neutre d'un comptable, mais Ophélie se mit à trembler, la tête lui tournait, elle voyait trouble. Il n'avait pas le droit. « Je fermerai la penderie à clé quand je recevrai, » enchaîna Thorn. « Si la porte est ouverte, c'est que vous pouvez entrer ici en toute sécurité, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. » Ophélie enfonça son doigt dans la glace comme s'il s'agissait d'une audience et soudain, elle les vit tous les deux. Une petite animiste avalée par son manteau trop grand, l'air maladif et étourdi. Un dragon, immense, nerveux, le front plissé par une tension cérébrale permanente. Deux univers inconciliables. « Thorn, je dois être honnête avec vous. Je crois que nous commettons une erreur, ce mariage. » Ophélie s'arrêta à point nommé, prenant conscience de ce qu'elle avait failli dire. « Ce mariage n'est qu'une machination de Bérénilde. Elle se sert de nous pour arriver à ses fins. Nous ne devons pas entrer dans son jeu. » Elle ne pouvait raisonnablement pas déclarer cela à Thorn sans avoir la preuve de ce qu'elle avançait. « Je sais qu'on ne peut plus retourner en arrière, » soupira-t-elle. « L'avenir que vous m'offrez ne me fait tout simplement pas envie. » Dans la glace, les mâchoires de Thorn s'étaient contractées. Lui qui n'accordait jamais d'importance à l'opinion des autres, il semblait humilié. « J'avais prédit que vous ne tiendriez pas l'hiver et vous m'avez détrompé. Vous me jugez inapte à vous offrir un jour une vie décente. Me permettrez-vous de faire à mon tour mes preuves ? » Il parlait haché menu, les dents serrées, à croire que cette question exigeait de lui un effort prodigieux. Ophélie, elle, ne se sentait pas bien du tout. Elle n'avait aucune envie de lui répondre. Il n'avait pas le droit. « Pourriez-vous envoyer un télégramme à ma famille pour la rassurer ?» bredouilla-t-elle piteusement. Ophélie aperçut une étincelle de colère dans le reflet du regard de Thorn. Elle crut un instant qu'il allait l'envoyer sur les roses, mais au lieu de cela, il acquiesça. Elle s'engloutit tout entière dans la glace de la penderie et posa le pied dans sa chambre de dortoir à l'autre bout de la citacielle. Elle demeura immobile dans l'obscurité froide, perdue sous son manteau, l'estomac noué à lui donner la nausée. De Thorn, elle s'était attendue à tout, brutalité, mépris, indifférence. Il n'avait pas le droit de tomber amoureux d'elle.